Nous allons aborder une autre manifestation de cette présence, cette prégnance du prophétisme en Europe, autour encore une fois de la question juive, et avec une problématique géographique extrêmement complexe entre la France, la Russie, mais d'autres chaînons géographiques importants, et notamment la question de l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle l'Europe centrale, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, en tout cas la Bohême, l'Autriche-Hongrie, et en quelque sorte, ça serait une façon de réhabiliter le chaînon austro-hongrois qui a été, je crois, très souvent très maltraité, y compris chez ceux qui ont consacré des ouvrages à la question des protocoles de Sage de Sion qui sont au cœur de notre travail. Alors, les protocoles de Sage de Sion sont-ils une œuvre prophétique? On peut considérer qu'en tout cas, elles impliquent les Juifs et qu'elles elles vont apparaître comme ayant prophétisé en quelque sorte la révolution d'octobre de 1917, et les Juifs deviennent en quelque sorte un instrument prophétique. C'est-à-dire connaître les Juifs et savoir ce qu'ils préparent, c'est également connaître l'avenir du monde en quelque sorte. D'où la question de la théorie du complot, d'où la question aussi qui me paraît essentielle des contrefaçons, de la fabrication des faux. On va présenter les participants à cette table ronde brièvement. Alors, Emmanuel Kreis, vous êtes avec nous, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé d'une certaine façon. Pas les protocoles directement, non. Mais les textes en effet anti-juifs au XIXe et au XXe siècle, et puis de façon un peu parallèle les protocoles, puisque j'ai étudié des auteurs qui sont impliqués dans la diffusion des protocoles, comme par exemple Monseigneur Join, qui est dans les premiers à les avoir publiés en France. Oui, la réception des protocoles. La réception, absolument. Et la création aussi de fait, puisque je travaille principalement sur la Troisième République et sur les milieux français, donc il y a les protocoles ont été créés dans ce milieu français avec, pour une part en tout cas, une part non négligeable des sources françaises. Donc, Alors vous, monsieur Barucan, ce qui vous passionne, c'est le monde russe. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le problème de la genèse de l'antisémitisme au XIXe siècle. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas un peu avant, mais le problème n'est pas là. Avec le rôle essentiel de certains prêtres catholiques. Tout de même, La Croix, qui est actuellement un journal extrêmement agréable à lire, se déclarait le journal le plus antisémite de France. Plus anti-juif. Ouais. Ils n'étaient pas antisémites, ils étaient anti-juifs, c'est pas la même chose. Eh bien, ça m'a amené à me pencher sur le problème des protocoles des sages de Sion, où j'avais été très impressionné par le livre de Rollin, jusqu'au moment où j'ai constaté un certain nombre de choses qui m'ont paru superficielles. Le livre de Norman Cohn ne fait guère que reprendre Rollin pour l'essentiel, à ceci près qu'il mentionne presque en bas de page une femme qui s'appelait Justine Glinka. Or, quand j'ai essayé de regarder d'un peu plus près, j'ai constaté que Justine Glinka, dans cette affaire, est un personnage absolument fondamental. Bon, on va y revenir, hein, effectivement. Et on voit mêler à cela des tas de gens est très étrange. C'est un milieu très particulier qui va se trouver en France. C'est un milieu de Russes qui va se trouver en France, voilà. Et certainement influencé par un certain nombre de catholiques nettement antisémites. Disons que c'est quand même avant la Révolution d'octobre. Pardon ? C'est avant la Révolution d'octobre. Hein. Oui, oui. Ce n'est pas des Russes qui sont partis. Ah ben oui, non, mais après la Révolution d'octobre, il est arrivé que les protocoles se sont diffusés, c'est autre chose. Mais les protocoles sont typiquement français, y compris des allusions très nettes à la construction du métro. Oui, c'est vrai. Ils étaient contre, l'auteur des protocoles était contre le métro parisien. Qui a été construit en 1900, donc. Mais, non, ça, sur la date, c'est à peu près... Et Drummond aussi était contre la construction. C'est entre 95, les protocoles ont probablement été écrits entre 95... 99. Effectivement, les protocoles des sages de Sion, donc monsieur, on va vous demander, monsieur Lindenberg, vous les connaissez, les protocoles des sages de Sion, vous savez ce que c'est? Oui, pour l'historien des sciences politiques que vous êtes, qu'est-ce que ça représente pour vous, les protocoles des sages de Sion? Ça représente en tout cas le texte matriciel de l'antisémitisme politique au XXe siècle, et même encore au XXIe, en particulier par la lecture qu'en ont faite les nazis. en particulier Arthur Rosenberg, mais aussi on a les propos. Mais ça se présente comment, enfin, pour faire un peu la pédagogie de ce sujet. Je parle sous le contrôle de mes voisins, mais c'est effectivement l'idée du complot, puisque les protocoles, à ma connaissance en tout cas, ont toujours été considérés comme la preuve, on avait enfin la preuve du complot juif. C'est une idée qui était déjà comme ça en suspension depuis, on peut dire presque depuis la Révolution française, puisque c'est pas dans le livre de l'abbé Baruel sur l'histoire du jacobinisme, il n'y a pas d'implication des juifs, mais il y a une lettre ensuite d'un militaire à Baruel qui lui dit « mais t'as oublié les juifs, etc. » Et donc, bon, on peut suivre comme ça cette idée que les contre-révolutionnaires du XXe siècle ont toujours... ça renvoie au débat, à notre débat précédent, c'est les protestants, c'est les francs-maçons, c'est les juifs, de même que de l'autre côté, c'est les jésuites, etc. Il y a une idée du complot. Et moi, je vois les protocoles comme un texte qui a sans arrêt été réutilisé dans ce sens, et qui donc, effectivement, justifie peut-être en partie le sous-titre du livre de Norman Cohn, dont on peut penser ce qu'on veut, etc. Mais enfin, en anglais, ça s'appelle sous-titré « Warrant for Genocide », c'est-à-dire c'est quand même le texte sur lequel justification du génocide en particulier. Donc, c'est extrêmement important. Donc, je voudrais maintenant un peu reprendre les choses par le commencement. À savoir que, pour moi, l'enjeu... Donc j'ai publié un ouvrage sur les protocoles des sages de Sion en 2002. L'enjeu, c'est que, pour moi, on ne peut pas comprendre les... quelles sont les sources des protocoles des sages de Sion, comment on les a fabriqués, à partir de quoi? Bon, alors il y a évidemment le plagiat de Maurice Joly. Bon, il y a une reprise littérale d'un très grand nombre de passages, mais je crois que c'est insuffisant. Ça a déjà été dit, donc on n'est pas là uniquement pour répéter des choses qui sont connues. Mais il y a autre chose qui me paraît très important, c'est l'antitalmudisme qui annonce les protocoles des sages de Sion. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'antitalmudisme ? Et c'est l'antitalmudisme qui, justement, se développe essentiellement, et notamment autour de Rowling, autour du monde allemand, du monde autrichien, du monde catholique, etc. C'est l'idée que les Juifs disent des choses épouvantables sur les chrétiens. Alors, l'ouvrage de Rowling est traduit en français dans les années 1888-1889. Il y a deux éditions, une à Bruxelles, une à Paris. Celle qui est à Paris, d'ailleurs, est préfacé par Édouard Drumont, et on est, comme disait M. Barucan, on est à la veille de la période où les protocoles des sages de Sion vont être rédigés, si on s'en tient aux références ou aux allusions de l'époque, comme le métro ou comme tel et tel ministre, etc. Et donc finalement, pourquoi a-t-on fabriqué les protocoles des sages de Sion? Alors, à mon avis, on les a fabriqués pour une raison fondamentale qui est celle-là, c'est que beaucoup de Juifs considérer qu'ils n'étaient pas visés par tout ce qui concernait le Talmud, les fameux juifs laïcs. Donc ces juifs laïcs qui sont, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont un peu dans une situation de maranisme complexe, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent plus le judaïsme, ils sont quand même considérés comme juifs. Ils posent d'ailleurs beaucoup de problèmes aux antisémites, hein. On ne sait pas très bien comment les traiter chez Chabotis, chez Gougenot des Mousseaux. Et donc, l'idée géniale, selon moi, aura été de dire, bon, effectivement, vous, les juifs laïcs, vous ne vous sentez pas visés par les attaques contre le Talmud, et donc, ce que dit le Talmud sur les chrétiens, vous n'avez pas à l'assumer. Alors, on va fabriquer un nouveau texte qui, lui, qui renverra plus à l'antiquité talmudique, mais qui renverra à l'actualité immédiate, où on voit que des juifs d'aujourd'hui ont des discours qui sont du même ordre que ceux des talmudistes, d'où le terme protocole des sages de Sion, parce que le mot sage est un mot qui renvoie aussi à Talmud. Et donc, comme cela, on va élargir la vindicte anti-juive non seulement aux religieux, mais aux laïcs aussi, aux juifs laïcs. Donc c'est un peu cette stratégie. Et donc, à mon avis, ceux qui ont rédigé les protocoles des sages de Sion, il semblerait que cet été à Paris, eh bien, ils ont à la fois puisé chez Maurice Joly le contenu, la substance Bon, parce que Maurice Joly, c'est quelqu'un qui a écrit sous Napoléon III, donc qui n'avait rien à voir, quelque part, avec les Juifs, mais son texte a été purement et simplement récupéré et mis sur le compte des Juifs. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Mais c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, on aurait pu prendre un autre texte, à la limite. On aurait pu même inventer d'autres propos. L'essentiel, c'était de faire une sorte de document où des Juifs se rassembleraient, discuteraient entre eux et discuteraient sur le dos des chrétiens, de ce qu'ils allaient faire d'eux, de ce qu'ils pensaient d'eux. Parce que ce qui a beaucoup frappé aussi, c'est cette idée de regarder ce que les Juifs pensent des chrétiens, n'est-ce pas ? C'est un élément essentiel. Alors, justement, monsieur Emmanuel Kreis, cet antichristianisme, quelque part, juif, c'est ça ? Il y a un antisémitisme contre les Juifs, mais il y a aussi, qui serait en miroir de l'antichristianisme juif, en fait. Absolument, oui. Ouais, il serait même la conséquence, et même c'est presque la cause de l'antisémitisme, c'est justement une approche des Juifs qui elle-même est hostile. Alors la cause, je ne sais pas, la cause de l'antisémitisme, c'est quelque chose d'assez complexe. Par contre, c'est vrai que la question de l'hostilité des Juifs au christianisme se retrouve, alors pour rester au XIXe siècle, dans les premiers faux du XIXe siècle, puisque la lettre de Simonini, qui avait été précédemment évoquée, accuse explicitement les Juifs de nuire aux chrétiens. L'opposition juif-talmudique, juif-laïque que vous mettez en avant me semble tout à fait intéressante. Maintenant, il faut voir que les auteurs antérieurement au protocole, ont déjà essayé d'atténuer le fossé entre juifs, entre guillemets, émancipés, ou juifs laïcs, et juifs talmudiques. On peut penser à Gougenot des Mousseaux, par exemple, qui fait un tableau, finalement, pas inintéressant, de la situation juive en France, même s'il y a des moments, c'est totalement déformé, mais on retrouve des éléments que des historiens du judaïsme français mettent en avant aussi, sur les différentes divisions, et il arrive, finalement, à rattacher l'ensemble des juifs dans une seule et même chose, disant que finalement le juif émancipé ou le juif talmudiste, c'est la même chose, puisqu'il reste forcément un fond juif. Il écrit déjà ça en 1869. Donc cette problématique est très importante, puisque finalement on va la retrouver au XXe siècle. Le nazisme va poursuivre les juifs, il ne fera pas la différence entre ceux qui sont pratiquants, ou même convertis d'ailleurs à la limite, et les autres. Donc ça prépare l'idée qu'on ne va pas laisser passer des juifs, tous les juifs vont être impliqués, et on élabore une stratégie qui empêchera les Juifs d'échapper en disant « voilà, moi je suis converti, moi je ne pratique plus, etc. Moi je ne suis pas solidaire ». Donc il y a une sorte de réaffirmation d'une sorte d'universalité des Juifs, quel que soit leur bord, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur croyance. Qui est aussi un élément qui a été mis en avant par les communautés juives en Europe occidentale. En partie, on peut penser à l'Alliance israélite universelle, qui joue un rôle finalement dans la fabrication de cette image à l'échelle européenne, voire au-delà de l'Europe. Et alors, qu'est-ce que vous pensez justement de l'expression, qu'est-ce que vous pensez de la signification de ce passage, de l'émergence même du mot antisémitisme? Est-ce qu'il ne symbolise pas justement cette volonté d'aller plus loin, de dépasser le plan religieux pour impliquer un autre niveau de réalité juive? Alors, c'est une question assez compliquée. L'historiographie traditionnelle, en particulier avec Léon Poliakov, met l'accent sur une mutation raciste, d'un antijudaïsme vers une mutation raciste. Donc d'un élément religieux à un élément raciste. Quand on regarde précisément les choses, par exemple en France, le racisme est très peu présent. Même quand Drumont, par exemple, utilise des termes ariens et sémites, il renvoie que très peu à des questions raciales. C'est des termes pour désigner européens et juifs. La question raciale arrive en France finalement dans les années 20-30, en particulier par l'Allemagne, et les quelques auteurs racistes français, on peut penser à Vacher de la Pouge ou à Gobineau, ne sont que très très très peu lus à l'époque et rarement cités par les antisémites français. En même temps, la situation est complexe puisque des personnes violemment anti-juives, on peut penser à Lacroix qui a été précédemment citée, se disent anti-juifs mais ne se disent pas antisémites. Et Lacroix choisit d'être le journal le plus antisémite de France, et le plus anti-juif de France, et pas le journal le plus antisémite de France. Donc finalement, il y a à un moment des choses qui vont se jouer entre elles, mais l'élément le plus archétypal de l'antisémitisme français, en tout cas, ça serait Drumont, la Ligue antisémite de Drumont, puis Guérin, etc., qui sont principalement des mouvements essayant de capitaliser politiquement quelque chose qui est l'antisémitisme, qui est apparu en Allemagne. D'ailleurs, ça pose des problèmes, le fait que ça soit quelque chose apparu en Allemagne à la fin des années 70, puisque en France, on est après la guerre de 70, et l'Allemagne n'est pas quelque chose de très valorisant. Donc, on est dans une situation très complexe, où la mutation peut-être raciste, à mon avis, semble devoir être relativisée, et peut-être une captation politique à un moment, de mouvements émergents. Alors, monsieur Lindenberg, qui avait écrit un ouvrage justement sur le maranisme, enfin, effectivement, le maranisme, ça implique cette idée de on ne sait plus très bien qui est juif, on ne sait plus très bien où sont les juifs. Ça alimente une forme d'antijudaïsme, cette espèce de non-identification. Tant que le juif était facilement identifié et qu'il avait des pratiques juives bien définies, ça allait. Donc, quelque part, le maranisme va générer un nouvel antijudaïsme, en fin de compte. Oui, enfin, on peut dire en tout cas que c'est, je crois, tous les historiens de l'antisémitisme ont montré toujours ce double bind qui consiste à reprocher aux juifs à la fois d'être trop visibles et en même temps d'être invisibles. Oui. Et donc, effectivement, le thème du juif invisible, c'est le maran, effectivement. Et le juif laïque, quelque part, c'est un juif invisible. Alors, moi, je trouve que le terme de juif laïque est un terme qui n'est pas très rigoureux, même si aujourd'hui il est utilisé de façon polémique dans le champ même des discussions entre juifs et sur l'identité juive. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Vous avez parlé du Talmud. Il y avait un anti-talmudisme chez les juifs émancipés, y compris parmi des juifs qui se considéraient eux-mêmes comme des juifs croyants, comme ce qu'on appellerait aujourd'hui des juifs religieux, en particulier en Allemagne. Tout l'effort de la Haskala, qui n'était pas forcément un mouvement anti-religieux, de la Wissenschaft des Judentums, etc., c'était d'écarter, de revenir au fond plutôt à la Torah, et à des commentateurs de la Torah bien choisis, comme Maïmonide, par exemple, et non au Talmud, qui était considéré finalement souvent comme le fruit superstition, etc., qu'il fallait écarter. Oui, on peut parler d'un judaïsme moderne, modernisé, en particulier dans les pays de langue allemande, avec ce qu'on a appelé la réforme, ou les formes intermédiaires entre réforme et orthodoxie qui vont donner aujourd'hui, par exemple, le mouvement conservateur, qui est très fort aux États-Unis. Ce sont des mouvements qui, sans être du tout laïques, ou en tout cas qui veulent effectivement, si on appelle laïcs les gens qui veulent que la religion soit dans la sphère privée, donc ça donne ces gens qui disent soit juif à la maison et puis homme à l'extérieur, qu'on trouve cette phrase déjà chez Mendelssohn au XVIIIe siècle. Oui, l'antisémitisme moderne d'ailleurs vise plutôt ce judaïsme émancipé répand dans la société, etc. Parce que la caractéristique du national-socialisme, ce sera vraiment, contrairement à Drummond ou même à Maurras, etc., de ne laisser échapper personne. Puisque là, on va s'attaquer, par exemple, chez Drummond, il dit « moi, j'attaque pas les juifs religieux, ils ont droit, etc., parce qu'ils se mêlent pas de nos affaires ». C'est à partir du moment où ils pénètrent dans l'économie, dans la politique, etc., là, je les combats. Oui. Tandis que le nazisme dit « je les combats de toute façon, parce que c'est un espèce de bacille, etc. » qui, quelle que soit la forme qu'ils prennent, est absolument mortifère. Et alors justement, d'ailleurs, entre parenthèses, on ne peut pas ne pas citer, quand on étudie ce dossier, la question même du sionisme, et la question même si c'est peut-être une discutable, enfin, on peut pas ne pas aborder... En tout cas, le congrès de Bâle, ça a sûrement joué un rôle. C'est comme à cette époque-là, à l'époque de la rédaction, que ça se passe, et qu'en plus, alors là, on peut dire que les juifs donnent des vierges pour se faire fouetter, parce qu'effectivement, ils se réunissent au niveau international, et ils discutent entre eux, de là à dire qu'on a capté des réunions secrètes, des protocoles de discussion qui se sont faits dans les couloirs, et qui sont au-delà du discours officiel, il n'y a qu'un pas. Monsieur Barucan ? Il y a une idée de base qui apparaît en Espagne au XVIe siècle, l'idée d'une volonté de domination par les Juifs, idée qui sera reprise par un grand écrivain espagnol au XVIIe siècle qui s'appelle Quevedo. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ensuite vont apparaître des choses tout à fait différentes. D'abord, il y a un livre dont on ne connaît pas l'auteur exact, qui est signé Rupert, mais Rupert dit qu'il n'en est pas l'auteur, qui s'appelle « L'Église et la synagogue », qui tend à montrer que les Juifs ont toujours poursuivi un but unique, qui est de poursuivre de leur haine l'Église catholique, qui cependant ne leur a fait que du bien. Ensuite, alors apparaît l'ouvrage qui me paraît fondamental, parce que contenant toutes les théories, ou pratiquement des protocoles, et qui est un ouvrage, c'est par l'abbé Chabouty. Les Juifs, nos maîtres, point d'exclamation. Il y a le point d'exclamation, fait partie du livre. Les Juifs, nos maîtres, est un livre extrêmement intéressant et qui est, contrairement aux protocoles qui sont mal faits, qui est bien fait. Il expose clairement sa théorie, elle est très bien expliquée. Il n'a rien contre les Juifs, mais il reconnaît, c'est un fait, on n'y peut rien, que les Juifs sont complètement gouvernés de façon autocratique par des gens qu'il appelle les princes d'Israël. Chabouty est très antérieur au protocole, là. Les princes d'Israël. Ça ressemble beaucoup aux sages de Sion. Ensuite, le sionisme va être connu et par conséquent, on va transformer Israël en Sion. La théorie de Chabouty est bien expliquée. Et ce livre est complètement oublié, c'est pourquoi je crois qu'il faut le rappeler, il est essentiel pour comprendre le développement des idées. J'ajouterais pour dire que, par exemple, il y a, à propos de ces nuances d'antisémites, Chabouty dénonce un juif particulièrement arrogant qui a la mauvaise idée, l'idée exécrable de vouloir ramener les Juifs en Terre Sainte, en Palestine, et qui s'appelle Istochi. Or, il se trouve que Istochi est en réalité un antisémite hongrois parfaitement connu. Donc, Chabouty souffrait d'un manque d'information, mais Istochi, l'antisémitisme d'Istochi ne veut pas du tout tuer les Juifs, il dit simplement qu'il faut qu'ils s'en aillent, et pourquoi pas dans leur pays d'origine, hein, ce qui fait qu'il est sioniste à sa façon. Hein. D'ailleurs, si je peux me permettre, sur Chabouty, il y a plusieurs éléments intéressants. En particulier, Chabouty, après ses livres anti-juifs, se convertit plus ou moins au sionisme et milite pour un retour des Juifs en Israël. Même Drummond était très favorable au sionisme, puisqu'il a salué l'ouvrage de Herzl, L'État juif, en disant que c'était un très bon ouvrage. Bien sûr. Et alors, autre chose intéressante, c'est que Chabouty, donc, cette théorie s'appuie en particulier sur un faux, déjà. Ah oui. La lettre des Juifs d'Arles, alors que de Constantinople et la réponse de ce dernier, qui est donc, il y a eu une étude qui est publiée quelque temps avant, Chabouty va s'en parler, donc c'est a priori un faux du 15e, 16e siècle. Donc voilà, sa théorie s'appuie sur un faux. Et alors, dernier élément intéressant avec Chabouty, c'est qu'à la fin de son livre, donc il le publie en 83, et à la fin de son livre, il dit que l'antisémitisme qu'il voit apparaître en Allemagne n'est pas une solution. Il définit l'antisémitisme comme quelque chose de politique qui ne peut pas fonctionner et il préconise la prière. 6 mois plus tard, on le retrouve a priori collaborateur du premier journal antisémite étiqueté comme tel français qui est l'Antisémitique. Je voudrais que nous abordions actuellement un problème, parce que là nous avons dit un certain nombre de généralités, etc. Je voudrais que nous abordions des problèmes beaucoup plus délicats à résoudre, qui sont des problèmes géographiques. Qui sont un vrai casse-tête, effectivement. Il y a des chaînons. Comment on est passé de la France? Alors, c'est en France qu'on aurait fabriqué les protocoles des sages de Sion. Nilus, en Russie, dit que c'est traduit du français. Enfin, bon, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, apparemment, c'est la police russe qui aurait fait fabriquer les documents en France. Herzl lui-même, alors le sioniste Herzl lui-même a également vécu en France. Il y a la fameuse affaire Dreyfus, évidemment, dans tout ça. Alors, vous disiez que vous aviez remarqué que la Pologne, on va essayer de parler de... Et ça a été, par exemple, sans vouloir citer, enfin, les travaux sur les protocoles qui ont complètement oublié les chaînons intermédiaires dont on va parler. Notamment, par exemple, le fait que les premières traductions du russe vers les langues européennes se sont déroulées dès 1909 à Prague et à Vienne, et ça n'a pas attendu le lendemain de 1917 pour être traduit en Allemagne en 1919. Donc là, il y a une erreur grave au niveau historiographique. D'ailleurs, ce sont des travaux qui ont été réalisés par un chercheur slovaque. Donc, vous vous rendez compte que les protocoles des sages de Sion, en 1909, paraissent dans les protocoles, si on peut dire, du Parlement de Vienne. Et parce qu'effectivement, il y avait des indépendantistes, je ne sais pas très bien, qui ont lu en séance tous les protocoles des sages de Sion Et on a donc été obligé de les noter dans les protocoles du Parlement. La première traduction allemande, elle figure officiellement dans les archives du Parlement viennois, 1909. Il ne faut pas oublier que c'est en 1905, n'est-ce pas, que Nilus ajoute à une œuvre qui était déjà parue précédemment une annexe concernant les protocoles de Sage de Sion, et que là, on est en plein dans la première révolution russe et dans les élections à la Douma qui ont été l'occasion d'un déchaînement antisémite considérable. Donc, en fin de compte, avant 1917, il faudrait quand même dire que c'est 1905, c'est la révolution de 1905 qui devient le point de renforcement et d'expression de tout le processus protocolaire, et non pas 1917, en fait. Alors, effectivement, un autre problème qui se pose, c'est que les protocoles des sages de Sion apparaissent, alors ça va vous paraître un peu étrange, apparaissent en Tchécoslovaquie, en Bohême et à Vienne, sous le nom de Goujon des Mousseaux. C'est-à-dire qu'effectivement, on attribue le texte des protocoles des sages de Sion lorsque les indépendantistes de Bohême présentent le texte en disant c'est l'ouvrage de Goujon des Mousseaux. Alors ça, vous pouvez le retrouver dans... Donc ils disent, voilà, nous vous lisons l'ouvrage. Donc ils n'attribuaient pas les protocoles des sages de Sion à une origine russe, ils voulaient l'attribuer à une origine française. Donc ça, c'est encore un petit clin d'œil. Alors je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous aviez découvert concernant les différentes étapes au niveau de la traduction et de la réception... en passant par la Pologne, notamment. Alors, moi, sur les protocoles, je sais. Non, mais pas, sur d'autres sujets. Alors, disons qu'il faut, le fait qu'on oublie complètement l'articulation, il y a des points intermédiaires essentiels à considérer. Donc, c'est une recherche que je suis en train de mener actuellement avec Guillaume. Donc, actuellement, si vous voulez, l'idée, c'est d'essayer de comprendre la circulation des faux anti-juifs au niveau européen, et au-delà des faux, même des textes anti-juifs au niveau européen. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs pôles qui vont rentrer en compte. Donc en premier lieu, il y a un pôle qui est le pôle italien, sans doute avec Rome et le Vatican. En étant un peu extérieur à certains enjeux politiques, pouvoir centraliser les textes et les rediffuser dans les milieux catholiques. Ensuite, on a des circulations qui vont avoir lieu. Alors le problème principal est qu'entre la France et la Russie, on a l'Allemagne. Et que la guerre de 70 pose plusieurs problèmes en France pour justement d'un mouvement antisémite qui est né en Allemagne, oui, vous l'avez utiliser les textes. Donc il va y avoir des passages détournés, donc en particulier la Belgique, qui va être un passage assez important avec beaucoup de traductions de textes venant d'Europe orientale en France, voire des textes allemands. On peut en particulier penser aux textes, alors pour le coup, qui sont anti-maçonniques, mais de Eckert. Et on a aussi l'Autriche, qui est catholique, et qui va permettre de faire aussi un lieu de passage. Voilà. Il en est de même pour la Pologne. Et on a aussi des textes finalement français qu'on va retrouver en Roumanie. Par exemple, vous parlez de Goujon des Mousseaux. Goujon des Mousseaux est cité au Parlement roumain en 1879, donc le livre ou 78, date de 69, donc 10 ans plus tard. Et le député roumain qui cite Goujon des Mousseaux dit « Un Français nous a vengés », donc c'est à propos de toutes les histoires autour de la Roumanie suite au congrès de Berlin. Donc, un Français nous a vengé, Goujon des Mousseaux. Donc, oui. On retrouve comme ça une circulation. On peut aussi penser, par exemple, au livre du Cahal, donc, qui est un livre qui a un certain succès en Russie, écrit par Braffman, donc, qui est une publication commentée des actes, théoriquement, des actes du Cahal de Minsk. Le Cahal, c'est quoi? Enfin, c'est une sorte d'instance. C'est l'instance qui gère la communauté. Oui. Hein. Donc le texte, lui, va avoir aussi une circulation assez étrange, puisqu'il est publié en Russie. On en trouve en 73 une édition publiée à Odessa, mais en français. Alors cette édition semble très peu répandue en France. Il y a quelques bribes. L'Alliance israélite... Oui, ça renvoie à ce qu'on avait dit à un période, c'est que le français est comme une langue de communication majeure dans mais, toute l'Europe. Mais alors donc, a priori, le texte va être republié en France. Et une édition polonaise aussi va être donnée. Cette édition polonaise semble être une copie, pas de l'original russe, mais du texte français, enfin au niveau de la datation. Donc on a beaucoup de textes comme ça qui circulent à travers l'Europe, même dans les textes a priori, on trouve dans les premiers pogroms en Pologne des tracts français qui sont distribués. Donc il y a une circulation avec des journalistes qui passent de pays à d'autres, en particulier l'antisémitique, un journaliste autrichien qui s'appelle Bader, un journaliste qui écrit dans des grands quotidiens autrichiens et qui aussi en France écrit dans l'antisémitique. Alors il y a des mouvements de textes. Vous avez cité la Roumanie, alors là il y a vraiment un point très important concernant la Roumanie, puisqu'on parle de toute cette région d'Europe centrale qui est malmenée par les historiens de l'antisémitisme. Un élément précurseur du sionisme herzlien, c'est quand même la question roumaine. La question roumaine, on l'a pas suffisamment dit, il y a eu une tentative d'installer en Roumanie des juifs qui venaient, qui fuyaient différents pays européens, comme la Russie, comme la Pologne, etc. Et ça, véritablement, on peut considérer que la Roumanie a été la solution du problème juif à l'échelle européenne avant qu'on passe à d'autres solutions. Alors il y a eu un échec de cette solution qui a d'ailleurs exacerbé une certaine forme d'antisémitisme. Donc je veux dire que l'affaire roumaine, c'est encore un des grands oubliés de la recherche dans ce domaine-là. Chabotis et Gounod font allusion au problème roumain. Et c'est-à-dire comme ça que j'ai fait les recherches, c'est-à-dire qu'ils disent « Regardez ce qui se passe en Roumanie, etc. » Donc en fin de compte, l'expérience roumaine précède et annonce quelque part l'expérience sioniste herzlienne, d'autant plus que la Roumanie fait partie de ce champ de l'ancien empire ottoman, tout comme la Palestine va l'être également. Donc c'est comme s'il y avait eu deux solutions de régler la solution juive, une par le côté occidental de l'empire ottoman et d'autre par la partie orientale. Tout à l'heure on parlait des relations avec le sultan chez Shabbatai Tzevi, on va avoir Herzl qui va également négocier avec le sultan pour avoir l'octroi d'un endroit qu'il n'a pas obtenu d'ailleurs, en tout cas pas de son vivant. Mais vous rendez compte à quel point, et ça on est là quand même aussi pour faire des recherches et pour faire avancer la question, à quel point tout ce monde roumain, autrichien, polonais, pragois est fondamental pour comprendre ces questions-là. Herzl, qui est lui-même justement né à Budapest, ça va exactement dans le même sens. C'est effectivement, les choses se bougent là. Et alors, un des paradoxes, c'est quand on regarde l'histoire du sionisme, c'est de voir que justement, ce sont les Français qui vont diriger les installations des Juifs russes en Palestine. Ça, c'est dans le cadre de la philanthropie, c'est pas dans le cadre de la politique. Non, mais ça veut dire que cette espèce d'alliance franco-russe, là, on la voit sous une autre forme, effectivement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des cadres juifs rothschildiens qui vont, non pas installer des juifs français, mais des juifs de Russie et des juifs roumains. On n'a toujours pas résolu ce problème de l'équation. Alors, est-ce que quelqu'un ici, parmi nous, peut nous expliquer quelle était la situation du judaïsme en Russie à cette époque-là? Comment comprendre historiquement pourquoi les protocoles de sages de Sion ont eu la fortune qu'ils ont eue en Russie? Ça, je crois qu'on peut dire. Mais d'abord, je voudrais, à propos de Gougenot des Moussons. Oui. Gougenot des Moussons est un homme qui a publié des tas de livres, souvent intéressants d'ailleurs, et qui ne s'était jamais intéressé aux Juifs, jusqu'au moment où en 1869, date du Concile Vatican I, il publie un énorme ouvrage qui s'appelle « Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens ». Le mot « judaïsation » signifie clairement, dans l'esprit de Gougenot, domination, écrasement. Gougenot des Moussons, antisémite tardif par conséquent, probablement c'est un pilier de dévotion sous l'influence de certains éléments catholiques de l'Église, est en relation et en parle longuement de la Roumanie. C'est un des éléments qui lui sert en quelque sorte de preuve de cette volonté de judaïsation au sens qu'il définit. Là. Une question que je voudrais aborder, et peut-être on va peut-être résoudre, c'est les rapports entre... Est-ce que dans les protocoles d'échelle de Sion, M. Kreisk, vous qui connaissez bien la problématique maçonnique, est-ce qu'il y a une dimension anti-maçonnique? Alors déjà, ça dépend quelle édition des protocoles des sages de Sion. Oui, mais alors justement, non, parce qu'il y a les éditions et il y a les introductions. Il y a les éditions et il y a les introductions. Parce que le texte lui-même, bon, alors effectivement, on pourrait parler des différentes versions. Après ça, il faudrait parler des différentes versions et de la façon dont elles sont reprises. Alors la question qui se pose, parce que monsieur parle de judaïsation, la question de savoir si les protocoles des sages de Sion visaient véritablement au premier chef les juifs ou bien s'il visait ceux qui étaient censés ou supposés contrôlés par les Juifs. Donc à ce moment-là, dans un cas, c'était les Juifs qui étaient l'adversaire principal, l'autre cas, c'était ceux qui étaient les agents des Juifs qui étaient l'adversaire principal, et pas spécialement les Juifs. Et on peut se demander si à un moment donné, on a changé le fusil d'épaule, et si on ne s'est pas attaqué directement aux Juifs, qui n'étaient pas finalement au centre de la cible, qui n'étaient simplement un élément compromettant, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution dans ce sens? Est-ce que ça n'est pas, au départ, un ouvrage contre ceux qui sont judaïsés plutôt que contre les Juifs? Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question, vous avez plus travaillé sur cette question que moi. Non, mais parce qu'effectivement, c'est une question qui est complexe. Tout à l'heure, on parlait du maranisme, qui est effectivement aussi cette espèce de diffusion du judaïsme. Maintenant, on parle de gens qui ne sont pas juifs, mais qui sont judaïsés. Ça devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire que c'est cette espèce de complication, qui est juif, qui n'est pas juif, qui est contrôlé par les Juifs, qui ne l'est pas, qui fait que tout le monde est soupçonné, tout le monde est suspecté. Alors, c'est vrai qu'en au-delà des protocoles, au XIXe siècle, il y a un mouvement dans les théories conspirationnistes qui, les premières sont sur la franc-maçonnerie, comme vous avez bien dit, Baruel n'a rien à faire des juifs et n'en parle pas. Et beaucoup d'auteurs anti-maçonniques n'ont rien à faire des juifs et n'en parlent absolument pas, jusqu'à une période assez tardive. Mais la propagande anti-maçonnique va être ensuite réexploitée par les auteurs anti-juifs. Gougenot des Mousseaux, d'ailleurs, fait du franc-maçon le serviteur des Juifs dans leur projet de domination. Donc il y a un mouvement, de toute façon, au XIXe siècle, de textes anti-maçonniques qui vont être progressivement judaïsés, puis devenir des textes essentiellement anti-juifs. Après ça, sur le cas pratique des protocoles, vu que l'origine reste encore avec beaucoup d'énigmes et de... Voilà, donc une des énigmes les plus curieuses, c'est que voilà un ouvrage qui est fabriqué en France, soit dit apparemment, et qui ne sera publié en France qu'en 1920. Donc en fin de compte, il est produit en France et il faut qu'il passe par la Russie, puis ensuite par l'Autriche, etc., pour revenir après la révolution d'octobre en France. Donc déjà, son itinéraire géographique est assez incroyable. Alors, ce n'est pas le seul texte qui a cet itinéraire géographique. En France, par exemple, il y a des faux Crémieux qui apparaissent dans les années 1883-4, qui sont donc publiés en France, qui partent en Russie, qui ont beaucoup de succès en Russie, et d'ailleurs qui passent par l'Allemagne, puisqu'à un moment, il y a une synagogue qui est brûlée et le texte est distribué dans une version allemande. Et le texte va revenir ensuite en France. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec Gougenot des Mousseaux, c'est assez étonnant, parce qu'en fin de compte, les protestations ne sont pas parues en France, mais au Parlement de Vienne et à Prague, on nous dit qu'ils existent puisqu'ils sont parus, ils sont nés, ils mettent en avant le nom de Gougenot des Mousseaux. Donc c'est une confusion invraisemblable, parce qu'effectivement, on nous parle d'un ouvrage qui vient de France, qu'on attribue à Gougenot des Mousseaux, qui ne l'a pas écrit, qui ne l'a pas publié. Donc, en fin de compte, il a une sorte de label français, malgré tout. Bah, quand on regarde le texte, il y a quand même visiblement des sources françaises. Donc, quelqu'un qui lirait la version tchèque ou la version autrichienne des protocoles des salutations pourrait complètement ignorer la Russie. Oui. Puisque, finalement, il y a une espèce de court-circuitage. En 1909, on nous montre un ouvrage paru en France sous... Alors c'est un double faux, parce que c'est un faux Gougenot des Mousseaux, et en plus même c'est un document qui a été fabriqué. Donc on a cette double falsification qui fait qu'il y a une espèce de court-circuitage, on ne parle plus de Nilus, et il faudra 1919 pour qu'on revienne avec des traductions directes. Donc effectivement les historiens, comme par exemple l'ouvrage important qu'a dirigé Taguieff, ont complètement ignoré et le problème roumain, et le problème de la parution des protocoles de salutation à Vienne et à Prague, avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a quand même des erreurs de perspective qui sont assez évidentes, effectivement. Mais maintenant, pour revenir à cette histoire de français, quand vous prenez le texte des protocoles, les sources françaises sont à peu près claires. Enfin, au-delà, même si on ne peut pas nommément reprendre des paragraphes, on peut penser que la personne a travaillé avec les livres de Chaboty, de Gougenot des Mousseaux et sans doute une production française. Comment se fait-il justement qu'on ait fabriqué ça en France, si c'était fait par les Russes? Retombe dans le même problème. Est-ce que ce sont des Russes qui ont été commandités par les tsaristes? On n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ça a été fabriqué en France et pourquoi ça a été fabriqué en France au service des intérêts russes dans un premier temps. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu comment sortir de cette espèce de nœud gordien? On ne sait pas très bien. Je crois vraiment que ce n'était pas du tout au service des intérêts russes. Sauf que tous ces antisémites catholiques du 19e siècle sont intéressés par la Russie et fournissent aux antisémites russes le parti de l'Union du peuple russe est un parti important, mais qui intellectuellement est d'un niveau assez faible. Ce ne sont absolument pas des théoriciens. Russes viennent chercher l'inspiration. Et alors, en quelque sorte, ils fournissent le matériel intellectuel que ne possèdent pas ou que l'on ne veulent pas développer les gens de l'Union du peuple russe, dit aussi Centurie Noire, etc. Alors maintenant, il y a une chose assez simple, c'est que pour ce qui est, c'est quand même un petit groupe qui fait ça, et ça ne diffuse pas, quel que soit le rôle de gens comme Justin Glinka, etc., ça ne va pas bien loin. Le livre de Nilus, Le Petit et le Grand, est un livre qui reste très confidentiel et qui d'ailleurs n'est même pas tellement basé là-dessus, mais surtout sur l'idée de la présence universelle du démon. Oui, c'est une annexe, au livre. Oui, c'est une annexe de la présence universelle. Et après, l'annexe va paraître isolément. On trouve une autre version des protocoles d'origine, enfin, liée à la France. Avec un certain Boutmi, qui est un personnage fort peu connu. Mais alors justement, puisqu'on venait quand même un peu dans une problématique prophétique, il ne faut pas oublier que cet ouvrage est paru aussi sous le nom « L'Antéchrist arrive », n'est-ce pas ? Alors ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que c'est... Il y a quand même... Nilus, d'ailleurs, est quelqu'un qui est certainement marqué par l'Apocalypse, par le prophétisme, mais en tout cas, puisqu'il paraît sous différents titres, d'ailleurs, on trouve une carte du tarot, à un moment donné, dans les introductions, la carte du chariot, et d'ailleurs, quand c'est dans les traductions françaises, parues notamment chez Grasset, on retrouve aussi tout cela... Alors justement, c'est intéressant quand même, parce que le temps se termine, de parler de la réception, des protocoles en France, qui est considérable, qui est fait dans plusieurs revues, dans plusieurs ouvrages, et notamment l'éditeur Grasset est impliqué, n'est-ce pas ? Grasset est impliqué. Au début, le texte est publié par La Vieille France, d'Urbain Goyer. Ça, c'est des... Oui, c'est ça. C'est un feuilleton durant l'été. Et puis Drummond aussi le publie. Enfin, il y a tout ça. Voilà. Juin aussi. Juin le publie. Donc, la première édition, d'ailleurs, en forme de livre, c'est Juin. Donc, ça revient international, c'est ça. Mais ça, il s'inspire, je crois... il traduit à partir du russe, à partir de... Alors, a priori, c'est pas très évident. Il semble qu'il... Il parle de l'anglais, parce qu'une des bizarreries des protocoles, c'est qu'on écrit protocole en France, P-O-T-R-O-C-L-S. Donc, là, c'est très intéressant, parce que c'est une influence anglaise. Oui. En fin de compte, l'image de marque des protocoles, c'est que ça vient d'Angleterre. Alors, ça complique encore plus les choses. Vous vous rendez compte que l'ouvrage paraît sous un nom anglais. Alors, donc, parce qu'effectivement, il y a eu l'affaire du Times, etc. Mais je veux dire qu'il n'arrive en France, par certains côtés, que par des traductions de l'anglais, à un moment donné. Enfin, il y a à la fois des traductions russes, mais il y a aussi des traductions de l'anglais. En tout cas, il y a une histoire, il y a un rapport avec l'Angleterre qui donne un crédit supplémentaire au protocole, comme si, alors on est dans le cadre de l'anglomanie, en tout cas l'Angleterre, le protocole, c'est un petit détail que vous, est marqué par cette origine anglaise. Chacun renvoie à un autre pays. Alors les Français renvoient aux Anglais, les Autrichiens renvoient aux Français. En Angleterre, il y a l'article du Time qui a lancé le... Oui, mais aussi la démystification. Et la démystification. Alors, la démystification, parce que vraiment, très rapidement, je voudrais qu'on continue un peu là-dessus rapidement, c'est que cette info qui a été dénoncée. Alors, il a été dénoncé, mais on a répondu à cette dénonciation en disant « c'est peut-être un faux, mais c'est vrai quand même ». Dans l'esprit. Oui. Je crois que pour la diffusion ensuite des protocoles, il y a une chose très simple. Les protocoles rédigés par on ne sait qui, influencés par la France, ont une diffusion extrêmement faible, simplement dans quelques milieux particuliers. Mais arrive la révolution russe. Et arrive avec la révolution russe beaucoup de leaders, quelquefois particulièrement brutaux, Trotsky, comme Sverdlov, et pas mal d'autres de ce genre, ils sont vraiment très nombreux à ce moment-là. Eh bien, ça y est, tout était dans le livre prophétique qui, arrivé en Russie vers 1900, disons, avait prévu toutes ces choses-là. Alors, effectivement, on va commencer à faire un peu la conclusion de notre réflexion. Monsieur Lindenberg, vous êtes un spécialiste des sciences politiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage qui viendrait un petit peu mettre en perspective ce que nous avons dit ce matin ? Donc rappelez votre ouvrage, là, montrez-le. Oui, alors c'est... ça, c'est un ouvrage donc, qui concerne effectivement des figures maranes de l'âge classique, c'est-à-dire au moment où finalement, comme on peut dire que les Juifs rentrent dans la modernité, donc ils rentrent avec leur propre projet, mais aussi ils s'exposent à l'hostilité de tous ceux qui vont finalement confondre juifs et modernité. Tout ce qui est contre-révolutionnaire, anti-moderne, etc., va les prendre comme cible. J'ai parlé là-dedans de Spinoza, de Menassé Ben Israël et de Shabbatai, et du faux Messie, Shabbatai Tzvi, toujours les faux. La seule chose, je ne vais pas répéter ce qui a été excellemment dit par d'autres. Ce qui est intéressant surtout, effectivement, c'est le destin des protocoles. Hein, c'est en particulier, malheureusement, dans cet antisémitisme radical qui va être l'antisémitisme national-socialiste. Pour reprendre une expression, pourtant de quelqu'un que j'apprécie pas énormément, comme Ernst Nolte, il y a un noyau rationnel dans ça. C'est le fait, effectivement, que cette idée de, non pas de judaïsation du monde au sens d'un complot pour la domination, mais l'idée existe bien en particulier dans ce qu'on a appelé le franco-judaïsme à la fin du XIXe siècle, l'idée qu'un judaïsme épuré pourrait servir de base à une religion universelle qui mêlerait ce qu'il y a de meilleur dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et en particulier dans un livre, et Jacques Albron, puisque l'objet de vos méditations, c'est le prophétisme, naturellement, c'est les prophètes d'Israël de James Darmstadter, qui est un livre qui a beaucoup frappé les antisémites, en particulier, on voit que Charles Maurras le cite, avec sa lucidité habituelle. Hein, Charles Maurras est quelqu'un qui est très lucide sur ses adversaires, et on voit bien que c'est justement cette alliance des juifs, des francs-maçons, des protestants, etc., comme base de la République, et en même temps que ça, c'est pas la véritable société, le pays réel, c'est pas le pays réel, donc il parle au nom du pays réel, encore, en tout cas dans certaines régions, massivement catholiques. Je crois qu'effectivement, il y a un combat qui est mené, et donc j'ai au moins appris quelque chose, parce que honnêtement, j'étais pas jusqu'à personne m'avait sensibilisé au fait que les protocoles étaient nés en France. Moi, j'ai lu effectivement Henri Rollin, les travaux unis autour de Pierre-André Taguieff, etc. C'est dit nulle part. Et donc, ça m'ouvre des perspectives, parce que effectivement, on pourrait dire, pour résumer, que les protocoles nés de la post-affaire Dreyfus, c'est dans le sillage du traumatisme en France de l'affaire Dreyfus, vont devenir tout à fait autre chose à la lumière, effectivement, de la révolution bolchévique, puisque c'est quand même, effectivement, ce qui a lancé les protocoles, en particulier, c'est l'article du Times, des choses comme ça. Puisque vous m'interrogiez, oui, en tant que spécialiste de la longue durée des idées politiques, là, il y a quelque chose d'absolument fondamental. C'est effectivement, comme vous me disiez au téléphone l'autre jour, on peut dire qu'on a créé un anti-Talmud, on a créé un Talmud de l'antisémitisme. Oui, pour parler de fabrication, on a fabriqué un nouveau Talmud qui pourrait, lui, être directement assigné aux Juifs de cette époque. Et non comme pas... le Talmud, il y a des commentaires infinis, c'est sans arrêt, oui, on peut l'interpréter, réinterpréter. Ça n'a pas été dit, hein. Ça n'a pas été suffisamment dit dans les ouvrages sur la jeunesse des protocoles des sages de Sion, à quel point l'anti-talmudisme est déjà une sorte de protocole. Même s'il n'y avait pas les protocoles des sages de Sion, l'anti-talmudisme lui-même a le même effet, quelque part, que les protocoles des sages de Sion. Alors la différence entre l'anti-talmudisme et le protocolisme, c'est que l'anti-talmudisme se fonde sur, malgré tout, des textes qui existent. Et alors que les protocoles des sages de Sion sont des textes qui n'existent pas. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'il y a une résurgence par la suite de l'anti-talmudisme. D'ailleurs, aujourd'hui, actuellement, on voit qu'on parle beaucoup. Les ouvrages sur l'anti-talmudisme reprennent la place des ouvrages sur les protocoles des sages de Sion. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu stratégiquement, les antisémites sont aperçus, que les protocoles des sages de Sion, c'était problématique parce qu'on savait que c'était un faux, alors que s'appuyer sur l'anti-talmudisme et sur des citations plus ou moins tronquées, hors contexte, c'était beaucoup plus efficace, parce que là, il n'y avait pas l'accusation de faux. Monsieur Kreis, pouvez-vous nous apporter quelques éclairages terminaux sur votre sur ce sujet. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Donc peut-être insister quand même sur le fait que les protocoles s'inscrivent dans une lignée de faux. Ils ne sont ni les premiers ni les derniers, finalement, dans un jeu de circulation à un niveau européen au sens large des textes. Et qu'il y a vraiment une matrice, en tout cas de textes. La France joue un rôle important dans cette matrice, avec des auteurs catholiques qui ont déjà, finalement, publié. Il y a des faux qui circulent chez ces auteurs-là, et on retrouve des pans entiers d'idées qui sont similaires. Donc ça montre finalement tout un jeu de circulation européen des textes à un niveau extrêmement intéressant. Ce qui était aussi extrêmement intéressant, je pense, c'est de voir comment finalement un discours juif républicain qui montre un judaïsme en effet retourné à une religion plus essentielle, qui pourrait être la religion universelle, est quelque chose qui est proclamé extrêmement fortement par certaines parties du judaïsme en France ou en Europe. On peut penser à l'Alliance israélite universelle, et c'est peut-être pas étonnant que finalement l'Alliance israélite soit un élément extrêmement ciblé par ces textes, parce que... Donc, fondé en 1860, fondé en 1860, et donc dont le nom même est international, et effectivement, c'est... Et en plus, enfin, quand on regarde les discours, qui sont des discours généraux à l'époque, la franc-maçonnerie tient aussi des discours laïques grandiloquents, et l'Alliance tient aussi des discours grandiloquents sur un judaïsme éclairé qui va guider le monde. Donc même s'il n'y avait pas les congrès de juifs, même s'il n'y avait pas les congressionnistes, il y avait l'Alliance israélite qui aurait alimenté également, quelque part, ce genre de problématique. On peut imaginer qu'un auteur contre-révolutionnaire catholique, voyant ces textes et les prenant au sens littéral, se dise que il y a un jeu aussi sur la production de l'adversaire, enfin, est-ce que la façon dont ces textes vont être reçus par les anti-juifs. Et ensuite. Alors, je voudrais te dire quelques mots sur mes publications. Donc, j'ai publié une thèse de doctorat sur le monde juif et l'astrologie à l'École pratique d'autres études, sous la direction de Georges Vaïta, et qui touche à certains de ses aspects. Une thèse d'État, le texte prophétique en France, avec sous la direction à Nanterre, à l'Université Paris 10, sous la direction de Jean Séard, avec toute une partie sur les protocoles des sages de Sion, qui pour moi sont intégrés donc dans le domaine du prophétisme. Et puis en 2002, un ouvrage qui s'appelle « Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle » où je montre les rapports complexes entre d'un côté la parution en 1896-97 de l'État juif, qui paraît d'ailleurs aussi bien à Vienne qu'à Paris, hein, il faudrait quand même le préciser, avec un auteur qui est Herzl, qui a beaucoup travaillé à Paris, qui était d'ailleurs le correspondant d'un journal autrichien à Paris. Et puis, différents documents concernant les protocoles des sages de Sion. D'ailleurs, il y a un article qui s'appelait « Protocole ancien et actuel des sages de Sion de la Société universelle des francs-maçons ». Donc, effectivement, le dossier est assez lourd. On a donc montré à quel point l'Europe centrale était une plaque tournante de ce processus. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que l'Autriche-Hongrie est, par excellence, c'est presque les Balkans. Veut dire que c'est un domaine où la présence juive est très complexe parce que justement, ce sont des pays qui sont en recherche de leur identité. Donc quelque part, c'est quand même un bouillon de culture. L'Autriche-Hongrie, du côté y compris la Roumanie, c'est un bouillon de culture. Et à mon avis, c'est là quelque part que les choses se passent. Alors, Monsieur Barucan, vous voulez nous dire trois mots de conclusion? Je crois que ce débat a quand même éclairci un certain nombre de choses. Et j'espère qu'il nous en a appris des tas de choses entre nous. Maintenant, quel est ce qu'il y a de curieux? C'est pourquoi est-ce qu'un document bien fait reste totalement obscur? Je parle du texte de Chabotis, qui est bien fait. Pourquoi est-ce qu'un texte mal fait, comme les protocoles, a eu ce succès? Ça montre bien, je crois, l'absurdité. Les théories clairement exposées de Chabotis n'ont intéressé personne. Par contre, la vision fantasmatique a eu quand même un succès énorme. Et si je peux me permettre, je pense que le succès des protocoles vient du fait que c'est quelque chose qui fait pénétrer le public dans la boîte noire du complot. Alors que Chabotis, c'est un livre intellectuel qui décrit un certain nombre de choses, mais tandis que, voilà, c'est quelque chose, ça pourrait être né à l'âge d'Internet. Brusquement, on met en ligne quelque chose qui est, je sais pas, Wikileaks, etc., les exactions de l'armée américaine en Irak, etc. Tout le monde peut y avoir accès. Là, vous êtes dans le cœur du système. Absolument, absolument. C'est le côté, avec un anachronisme évident pour dire le côté médiatique qui a fait le succès. Oui, alors donc effectivement, les protocoles des sages de Sion, texte prophétique. Je vous remercie messieurs de votre présence et j'espère qu'on a fait un peu avancer la question.